And now we'll continue with George and Hélène in reception at the Hôtel des Vosges. Before the next dialogue, here are some new words and phrases. You already know the word for number. Numéro. And also for the number four. Quatre. In this next dialogue, you'll hear... Le numéro 34. Number 34. Listen again and repeat. Le numéro 34. Now for the other new language. As before... Écoutez, comprenez, répétez. Nous commençons. Voici. Here is. Voici. La clé. The key. La clé. Un étage. A floor or story. Un étage. Au troisième étage. On the third floor. Au troisième étage. Un ascenseur. A lift or elevator. Un ascenseur. À droite. On the right. À droite.